It's you I love and not another. Let's try. Butterflies and zebras approve it. Sure. Yeah. Trigger for life, no. Yeah, cooperate. It's a ninja. Tell me, I think it's a good ninja. Are we able? Yeah, man, yeah, we are, we are. Hey, bro. Yeah. Oh, yeah. Finalement, le consentement. Au final. Ne saurait être si clément. Si clair dans la clairière. J'aimerais bien que ce soit aussi binaire, mais finalement, pris dans les systèmes, le consentement se prend les pieds. Lui-même. Comment être clair parmi cette équation si compliquée. Binaire. Réponse. Sera. Compliquée en elle-même. Beauté. C'est la beauté du monde. Juste la beauté. La beauté du monde. c'est la beauté. La beauté du monde, c'est la beauté. La complexité, sérendipité. Démerde-toi. C'est compliqué, ouais. Tellement de différences entre les humains. Pas de généralité. C'est la beauté. C'est la beauté. C'est la beauté. La beauté du monde. Quand on pousse chacun dans ses retranchements, quand chacun doit choisir un camp. Nous on dit non, nous on refuse, on dit c'est la beauté. La beauté du monde, c'est la beauté. Yeah. Such a pleasure to play with you. We are in love with you. Étoiles. Les deux pieds sur terre.